Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 78. Du péché de l'usure dans les prêts. Est-ce un péché de prêter à usure? Restitution. Est-il permis d'emprunter de l'argent à usure? 1. Est-ce un péché de prêter à usure? Il est écrit, si vous prêtez de l'argent aux pauvres de mon peuple, qui habitent la même terre que vous, vous ne les opprimerez pas comme un exacteur, et vous ne les accablerez pas par des usures. Exode 22, 25. Il y a des choses dont l'usage emporte la consommation, ainsi le vin, le pain et autres semblables. En accorder l'usage à quelqu'un, c'est lui en concéder la propriété. On ne doit pas traiter séparément de l'usage et de ces choses elles-mêmes. Si l'on voulait, par exemple, vendre du vin, d'une part, et, de l'autre, l'usage de ce vin, on vendrait la même chose deux fois, ou plutôt on vendrait ce qui n'est pas, et de là une injustice. Pareillement, celui-là fait une injustice qui exige une double compensation pour du vin prêté, d'abord une mesure égale à celle qu'il a prêtée, et ensuite un prix pour l'usage, d'où est venu le nom d'usure. Il y a des choses, au contraire, dont l'usage n'emporte pas la destruction, l'usage d'une maison consiste à l'habiter et non à la détruire. Pour celle-là, on peut traiter séparément de l'usage et des choses elles-mêmes, je puis vendre une maison et m'en réserver l'usage, ou, réciproquement, en céder l'usage et m'en réserver la propriété, comme cela se pratique dans les baux et les locations. L'argent, qui est spécialement destiné à faciliter les échanges, rentre dans la classe des choses dont l'usage emporte la consommation, car, en le faisant servir aux ventes et aux achats, on le dépense. De là vient qu'il est généralement illicite de recevoir quelque chose pour l'usage de l'argent prêté, c'est l'usure proprement dite. Note. Si on n'a pas d'autre titre que le simple prêt, si on exige l'intérêt précisément en vertu du prêt, c'est-à-dire sans un titre qui soit distinct et séparable du prêt, cet intérêt devient illicite, injuste, usuraire. Aussi on définit l'usure proprement dite, tout intérêt, tout profit en sus du capital ou sort principal, exigé de l'emprunteur, précisément en vertu ou à raison du simple prêt, du mutuum. Les pères, les conciles, les souverains pontifes et les théologiens, s'appuyant sur les livres saints, s'accordent à nous donner la même notion de l'usure, en la condamnant expressément comme contraire au droit naturel et divin. Confère Monseigneur Gousset. Fin de la note. 2. Peut-on exiger quelque autre chose pour de l'argent prêté? Le prophète Ézéchiel, 18, 17, énumérant les conditions exigées pour qu'un homme soit juste, demande qu'il n'ait point prêté à usure et qu'il n'ait rien reçu au-delà de ce qu'il a prêté. Si c'est blesser la justice que de recevoir, par une convention tacite ou formelle, un intérêt pour de l'argent prêté ou pour tout autre objet qui se consomme par l'usage, c'est pareillement pécher contre cette vertu que de recevoir, d'après un pacte tacite ou formel, une chose estimable à prix d'argent. L'accepter à titre de don gratuit, ce n'est point une faute, on pouvait recevoir un présent avant le prêt, on n'est pas d'une condition pire après avoir prêté. Il est permis, dans tous les cas, de réclamer ce qui ne s'achète pas à prix d'argent, la bienveillance, l'amitié, et les autres avantages du même genre. Note. Mais, dira quelqu'un, j'éprouve une perte à l'occasion de l'argent que je prête, ne m'est-il pas permis, pour m'indemniser, de réclamer quelque chose au-delà de mon prêt? Sans aucun doute, celui qui prête peut stipuler avec l'emprunteur une indemnité pour le dommage qui lui est causé par la privation d'une chose qu'il a le droit de posséder. Ce n'est pas vendre l'usage de l'argent, c'est simplement éviter une perte. Lorsque je confie mon argent à un commerçant ou à un artisan avec lequel je m'associe, je puis encore en retirer un gain, car prêter de l'argent, c'est en transférer à l'emprunteur la propriété, si bien que ce dernier contracte l'obligation de rendre intégralement la somme qu'il a reçue, au lieu que, lorsque je confie des capitaux à un marchand ou à un artisan avec lequel je m'associe, je ne lui en transfère pas la propriété. C'est toujours à mes risques et périls que je participe au commerce du marchand ou au travail de l'artisan, et, pour ce motif, je puis licitement réclamer, comme provenant de mon propre bien, une part dans les bénéfices. Tous les théologiens conviennent qu'il est des titres en vertu desquels on peut tirer quelque intérêt du prêt. Ce sont, le lucre cessant et le dommage naissant, dans lesquels on peut comprendre la destination lucrative, et, d'après une décision de la propagande, approuvée par Innocent X, le danger extraordinaire de perdre le capital. De graves docteurs pensent que la loi civile, qui permet l'intérêt du prêt, est aussi un titre légitime, à raison du haut domaine que les souverains ont sur les biens des particuliers, et dont ils paraissent usés, en approuvant un certain taux. Depuis que l'industrie et le commerce ont pris de l'accroissement, ce sentiment s'est propagé. Plusieurs réponses, émanées du Saint-Siège, paraissent le favoriser. Il a été décidé, premièrement, que l'on ne doit point inquiéter au tribunal de la pénitence le prêtre qui enseigne que la loi civile, sans être accompagné d'aucun autre titre intrinsèque au prêt, suffit pour légitimer le prêt à intérêt. Deuxièmement, qu'un confesseur agirait trop durement et trop sévèrement en refusant l'absolution aux fidèles qui croient pouvoir tirer l'intérêt du prêt, sans avoir d'autre titre que la loi civile. Troisièmement, qu'on peut absoudre sacramentellement, sans imposer aucune restitution, les pénitents qui, étant de mauvaise foi, ont perçu des intérêts du prêt, au terme de la loi, s'ils sont repentants d'avoir agi contre leur conscience, et se montrent d'ailleurs disposés à s'en rapporter à ce qui pourrait être décidé par le Saint-Siège. Voyez Monseigneur Gousset, tome 1, page 397. Fin de la note. 3. Est-on tenu de restituer tout ce qu'on a gagné par l'usure? Nous l'avons dit, les choses dont l'usage n'est autre que leur consommation ne donnent pas d'usufruit. Si on les a extorquées par l'usure, par exemple, si on s'est approprié ainsi de l'argent, du froment, du vin et autre chose du même genre, le profit que l'on en a retiré doit être regardé comme le fruit, non de ces objets, mais de l'industrie humaine. Dès lors, on n'est pas tenu de restituer au-delà de ce que l'on a reçu, à moins toutefois que la détention qu'on en a faite n'ait porté quelque préjudice au prochain, car l'on serait obligé de réparer le dommage causé. Il est ensuite des choses qui, ne se consommant pas par l'usage, donne lieu à l'usufruit, ainsi une maison, un champ, et les autres semblables, celles-là, lorsqu'on les a extorquées par usure, doivent être restituées avec tous les fruits qu'on en a recueillis. 4. Est-il permis d'emprunter de l'argent à usure? Lorsque Publicola demandait si l'on pouvait avoir recours au serment d'un homme qui jure par les faux dieux, saint Augustin répondit, « Se servir, non pour le mal, mais pour le bien, De la foi d'un homme qui jure par les faux dieux. Ce n'est pas participer au péché par lequel il honore les démons, c'est seulement profiter du pacte fidèle par lequel il garde sa foi, mais l'engager à jurer par les faux dieux serait un péché. Ceci est applicable à notre sujet. Il n'est permis en aucune façon d'induire quelqu'un à faire des prêts usuraires, mais si l'on trouve un homme qui y soit tout disposé, par exemple, un usurier de profession, on peut lui emprunter de l'argent à usure, pour subvenir à ses propres besoins ou à ceux d'autrui. Ce n'est pas consentir à son péché, c'est seulement lui fournir l'occasion d'un prêt, qui de soi est un bien. La vraie cause du péché de l'usure, il la trouve dans la perversité de son cœur. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.